من شأنك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. Sachez que la meilleure des protections contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de se conformer à la sunna du prophète et de l'appliquer comme l'appliquaient nos vieux prédécesseurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je vous ai laissé deux choses avec lesquelles vous ne pouvez pas vous égarer, le livre d'Allah et le Coran et ma sunna. Suivez donc et appliquez les textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprenez-les comme les comprenaient les compagnons et les savants de cette communauté. Et ne divergez pas du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ne faites pas devancer la vie de quiconque sur le Coran et la sunna, peu importe la notoriété de cette personne. Abu Hanifa rahimahullah a dit, si je dis une parole qui diverge du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ici ma parole. Et l'imam Malik rahimahullah a dit, je suis un être humain, je peux faire des erreurs ou avoir raison. Regardez donc dans mes avis, si ces derniers concordent avec le Coran et la Sunna, prenez-les, et s'ils en divergent, connaissez mon avis. Le même cher rahimahullah a dit, si vous trouvez dans mes écrits une divergence avec la Sunna du prophète, prenez la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne prenez pas ce que je dis. Et l'imam Ahmed rahimahullah a dit, celui qui n'accepte pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perte. Et si les arguments et les preuves sont clairs contre lui, contre celui qu'on suit, il est interdit de délaisser les textes authentiques pour suivre la parole de quelqu'un d'autre. Donnez leur importance aux textes sacrés du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Honorez-les, accrochez-vous-y, montrez-les au grand jour et soumettez-vous et n'en divergez pas. Et sachez que combattre et remettre en garde les innovations dans la religion est un fondement et une base de l'islam. La meilleure des choses est la sunna, la pire est l'innovation. D'après Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove dans la religion une chose qui n'est pas légiférée, cette chose ne sera pas acceptée. Et d'après l'Ibad, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comprenez-vous à ma sunna et à celle de mes successeurs bien guidés, approchez-vous-y et mordez-y à pleines dents et prenez garde aux nouveautés dans la religion, car toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, suivez la sunna et n'innovez pas ceux que vous avez et vous suivez. Et l'imam Ali rahimahullah a dit, celui qui innove une chose dans la religion sur laquelle il est passé plus que des prédécesseurs, et comme s'il a assumé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi la transmission du message. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion, et j'ai accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam en tant que religion. Et si à leur époque ça ne faisait pas partie de la religion, comment aujourd'hui ça pourrait en faire partie. Wa Sufyan Thawri a dit, celui qui écoute un innovateur sort de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et il sera garant de sa propre personne. Prenez donc garde, parce que toute adoration qui n'a pas de preuve dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un chemin innové et un rajout dénigré, et peu importe les personnes qui en font du bien. Donnez à Allah son importance, ou donnez à Allah l'importance qu'on lui doit, adorez-le comme il le mérite et unifiez-le dans l'adoration et ne lui donnez pas d'égal, vous ne pouvez pas son adoration exclusive à autre que lui, et celui qui jure, qu'il ne jure pas que par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par ses noms, ou par ses attributs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure, qu'il jure par Allah ou qu'il se tait. Il est interdit de jurer par le prophète, ou par les saints, ou par un djinn, ou par la Kaaba, ou sur son honneur, ou sur la tête de quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, a mis plus ou associé. Et celui qui a peur d'une calamité ou d'un mal, ou d'une difficulté, qu'il s'en remette exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, son maître, pour qu'il dissipe ce qui le touche, et qu'il soit assigné aux évocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la rotéale est déchirée. Et prenez garde de ne pas faire comme certaines personnes ignorantes, ou mal intentionnées, qui approchent des talismans ou des gris-gris, pensant que cela les protège. Ils mettent des mains sans marre, des yeux à leur cou et chez eux, ils portent des bracelets à peau d'animaux, ils mettent du sel chez eux, en croyant fermement que cela les protège du mal ou du mauvais œil, alors que ceci est du chiffre de l'association qui fait sortir la personne de l'islam, et que si celle-ci meurt sans être repentie, elle demeurera éternellement en enfer. Il faut savoir que ces choses-là ne protègent en rien contre le mal, et ne ramènent aucun bien, alors que subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et si Allah fait qu'un mal te touche, personne ou rien ne peut écarter ce mal de toi, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et un groupe de personnes, d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui prêter un coup d'allégeance, il en accepte un neuf, et en refuse un, on lui dit pourquoi as-tu accepté ces neufs-là, et tu as refusé celui-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a sur lui un talisman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'arracha avec sa main, il arracha ce talisman avec sa main, et accepta son acte d'allégeance, et il dit, celui qui approche un talisman ou un gris a fait du chiffre, a fait de l'association. Et Prenez garde également à ne pas alléger les sorciers, les devins, astrologues, ou ceux qui prétendent lire l'avenir dans les mains ou dans les verres, et ceux qu'on appelle chez nous, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ou les marabouts, tout cela prétend enlever le mal qui te touche ou te rapporter la richesse ou te guérir, mais avec des procédés douteux. Tout cela sont des charlatans, des usurpateurs qui profitent de la faiblesse et de l'ignorance des gens pour s'accaparer leurs biens. Prenez garde et surtout les femmes, parce qu'elles sont leurs meilleures clientes. Prenez garde à ne pas les consulter, leur demander des choses ou les croire, parce que ce sont des mécréants qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent les djinns, ils égorgent pour eux, ils ordonnent aux gens de faire des sacrifices pour leurs djinns et autres actes pour satisfaire leurs chéatines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois personnes ne trouveront pas au paradis, l'alcoolique, celui qui coupe les liens de parenté et celui qui croit les sorciers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va voir un devin et le questionne, sa prière ne sera pas acceptée pendant 48. Il dit aussi, celui qui va voir un devin ou un astrologue et croit en ce qu'il a informé, il a certes relié ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les innovations affreuses et les actions les plus horribles, et que certains musulmans sont accrochés aux morts, au sein et à leur tombe, ils les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils implorent leur aide et les appellent pour les dégager du problème. Et sachez que dans le monde musulman, il y a des tombes qui sont visitées et vers lesquelles les gens se tournent pour implorer leur aide, des tombes vers lesquelles certains membres de la communauté musulmane, entre guillemets, se prosternent, s'agenouillent et s'habilitent, et tout ceci sont des actes qui annulent la religion de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui fait sortir de l'islam au nom de Allah. Regardez comment certains font croire qu'il est obligatoire de les associer à Allah dans l'adoration, alors qu'en vérité, ils ne repoussent aucun mal et n'amènent aucun bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est Allah pour conseiller, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui ne détiennent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations, et même s'ils entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Ceci prouve que nous avons besoin de rectifier notre dogme et notre croyance, de l'apprendre à nos enfants et d'appliquer l'islam véridique. Incitez-vous au bien et condamnez le mal. Ceci est une cause de victoire et de félicité. Allah subhanahu wa ta'ala dit que soit issu de vous un groupe qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Et accomplissez la prière en son temps et ne soyez pas distraits. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la prière dans plusieurs versets du Coran. Donnez la zakat et soyez généreux quand vous donnez. Aidez le pauvre et le faible. Soyez miséricordieux avec la veuve et l'orphelin. Visitez ceux qui ont rompu les liens avec vous. Donnez à ceux qui vous ont interdit et pardonnez à ceux qui vous ont fait subir une injustice. Ne mangez pas vos biens inutilement. Donnez la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Ne pratiquez pas l'usure et les intérêts car ces transactions sont perdantes et c'est une injustice. Tenez vos engagements et ne jouez pas avec le prix des marchandises. Prenez garde à ne pas tromper les gens et ne pas les laisser dans la pesée de la balance. Soyez bons envers vos femmes et vos épouses. Éduquez vos enfants selon les préceptes de l'islam, avec amour, miséricorde et générosité. Purifiez vos visions de tous les interdits, que ce soit musique, représentation, jeux de hasard, alcool, viande illicite et drogue. Préservez vos langues de la calomnie et de la médisance, des insultes, de la malédiction et des fausses accusations. Préservez vos parties intimes de l'adultère, de la fornication, de l'homosexualité et autres perversités. Purifiez vos cœurs de la jalousie, de la rancœur, de la haine. Prenez garde de ne pas aller dans les lieux de perversité de désabondage. Et prenez garde de ne pas vous disputer et accepter le pardon. Et ne vous reniez pas, et ne vous tournez pas le dos, et ne vous haïssez pas, et ne vous jalousez pas, mais soyez frères les uns les autres. Et quant aux sœurs, qu'elles prennent garde de ne pas être une cause de convoitise et de discorde pour les yeux pervers et les âmes dénuées de toute saison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux catégories d'entre les gens de l'enfer, que je n'ai pas encore vues. Ce sont des gens qui portent des fouets, pareil au pied des vaches, et qui s'en servent pour se frapper et torturer les gens. Ce sont également des femmes, qui sont pourtant vêtues, mais dont on voit des atours et qui ne cachent rien leur partie. Et d'autres se sont inégalées et se nourrissent en Allah subhanahu wa ta'ala. En étant provoquantes, elles n'entreront pas au paradis et n'en sentiront même pas l'odeur, alors qu'on peut sentir l'odeur à telle et telle distance. Alors Muslim et Tabarani ont de rajouter, maudissez-les, elles sont maudites. Ceci est la fin de celle qui se dévêtit et qui s'est fait ressembler aux hommes, de celle qui se dévoile et qui se dévergonde, Quand Allah subhanahu wa ta'ala, ma soeur, soit pudique et respectueux, il n'y donne pas des charmes. Voile-toi, il ne te découvre pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand son châtiment, quand sa menace et quand sa colère. Et quant aux pérédocuteurs, préservez votre honneur. Écartez-vous de la honte et du laisser aller, car ceci mène à une mauvaise demeure, ainsi qu'à la perdition. Refusez pour vous-même la honte et protégez-vous du malheur. Soyez comme un berger, averti et toujours en alerte, car chaque berger sera questionné sur son troupeau, et chaque personne sera questionnée sur les gens qu'il avait sous sa tutelle. Et sachez aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre jour d'aujourd'hui regroupe deux fêtes, l'Eid et le vendredi. Celui qui a son Eid peut s'exempter du Jumu'a, mais nous allons nous réunir pour l'accomplir. Ceci est une preuve pour celui qui a assisté à l'Eid de ne pas venir au Jumu'a, si c'est le même jour. Mais le mieux, c'est d'assister à l'Eid et à Jumu'a. Et il est obligatoire pour l'imam des mosquées où on y a accompli le Jumu'a de le faire, au cas où des gens viendraient y assister justement au Jumu'a. Et comme je vous ai dit, le mieux c'est d'y assister. Sinon, la personne sera en ordre à l'endroit où elle se trouve. هذا وصلوا وصلوا وسلموا على خير البريه وعلى البشريه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي فقد امر الله تعالى بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلوا وسلموا على سيد الاولين والاخرين وامام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك على الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم أجر دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وألقي الرعب في قلوبهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيرهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر على اهل القبور من المسلمين حضورهم. اللهم اغفر للاحياء منهم ويسر لهم امورهم. اللهم فرج كرب المهمومين من المسلمين وفرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واجعلنا اعقبهم ان اصابهم سببا لرضوانك عنهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك التوفيق والسعادة في الدنيا والاخره. اللهم علمنا الصواب ووفقنا للحق وجنبنا الفتن. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تسمعون. وفي الختام فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم اعمالنا الصالحه وان يغفر لنا ولكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.